Comment dit-on « je veux » ? Quiero. Quiero. Quiero. On y est presque. Quiero. Q-U-I-E-R-O. Quiero. Je veux. Et je le veux ? Lo quiero. Lo quiero. Hein? Je le veux. Je le veux maintenant. Lo quiero ahora. C'est ça. Hein? Lo quiero ahora. Et je ne le veux pas. No lo quiero. No lo quiero. Je ne le veux pas. C'est ça. No lo quiero. Donc, encore une fois, je veux se dit... Quiero. Quiero. Hein? Quiero. Où le O final indique qu'il s'agit de moi, hein, du je. Et si vous remplacez le O par un E, prononcé E, vous obtenez la forme correspondante au vous de politesse. Hein, à usted. Donc, vous voulez se dira... Quiere. Quiere. Quiere. Bien. Quiere. Donc, encore une fois, je veux. Quiero. Je voudrais entendre plus nettement quelle est la syllabe accentuée. Hein? Quiero. Quiero. Hein? C'est ça. Avec le O correspondant à je. Et vous voulez, c'est... Quiere. Quiere, oui. Hmm? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que se dit? Que? Que? Que quiere? Que quiere? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Que quiere? Et je le veux? Lo quiero. Lo quiero. Je ne le veux pas? No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero. Et vous voulez se dit... Quiere. On a une voyelle à la fin. Donc, c'est l'avant-dernière syllabe sur laquelle il faut insister à l'oral. Ce qui donne... Oui. Quiere. Voilà, c'est ça. Quiere. Hein? Il ne faut pas avoir peur d'insister là-dessus. D'accord. Quiere. Quiere. Voilà, c'est ça. Comment dit-on « vous le voulez » ? Lo quiere. Ah, vous venez de répondre à ma question suivante. Ah bon ? Vous avez formulé une question. Lo quiere veut dire « est-ce que vous le voulez ?» Ah oui. Mais j'avais dit « vous le voulez ». Lo quiere. C'est ça, hein? Lo quiere. Et maintenant, si je vous demande de dire est-ce que vous le voulez? Lo quiere. Lo quiere, hein? C'est ça. Hein? Lo quiere, c'est est-ce que vous le voulez? Lo quiere. Vous voyez, il suffit de donner une intonation interrogative à votre phrase pour obtenir une question. Et maintenant, comment direz-vous pourquoi ne le voulez-vous pas comme ça? Porque... Porque... Porque... Ne le voulez-vous pas comme ça? No lo quiere... Así? Así, oui, c'est ça. Porque no lo quiere así? Pourquoi ne le voulez-vous pas comme ça?